La bonté de son cœur se développa. Quand elle entendait dans la rue les tambours d'un régiment en marche, elle se mettait devant la porte avec une cruche de cidre et offrait à boire aux soldats. Elle soigna des colériques, elle protégeait les Polonais. Et même il y eut un qui déclarait la vouloir épouser. Mais ils se fâchèrent car un matin, en rentrant de l'Angélus, elle le trouva dans sa cuisine où il s'était introduit, accommodant une vinaigrette qu'il mangeait tranquillement. Après les Polonais, ce fut le père Kolmich. Oui, un vieillard passant pour avoir fait des horreurs en 93. Il vivait au bord de la rivière dans des décombres, une porcherie. Les gamins le regardaient par les fentes du mur et lui jetaient des cailloux qui tombaient sur son grabat où il gisait continuellement secoué par un catarrhe. Avec des cheveux très longs, les paupières enflammées et au bras une tumeur plus grosse que sa tête. Elle lui procura du linge, tâcha de nettoyer son bouge, rêvait à l'établir dans le fournil sans qu'il gênât madame. Quand le cancer eut crevé, elle le pansa tous les jours, lui apportait de la galette, le plaçait au soleil sur une botte de paille, et le pauvre vieux, en bavant et en tremblant, la remerciait de sa voix éteinte, craignant de la perdre, allongeait les mains dès qu'il la voyait s'éloigner. Il mourut. Elle fit dire une messe pour le repos de son âme. Ce jour-là, il lui advint un grand bonheur. Au moment du dîner, le nègre de monsieur et de madame de Larsenière se présenta, tenant le perroquet dans sa cage, avec le bâton, la chaîne et le cadenas. Un billet de la baronne annonçait à madame Aubin que son mari étant élevé à une préfecture, il partait le soir et elle la priait d'accepter cet oiseau comme un souvenir et en témoignage de ses respects. Il occupait depuis longtemps l'imagination de Félicité car il venait d'Amérique et ce mot lui rappelait Victor, si bien qu'elle s'en informait auprès du nègre. Une fois même, elle avait dit « c'est madame qui serait heureuse de la voir ». Le nègre avait redit le propos à sa maîtresse qui, ne pouvant l'emmener, s'en débarrassait de cette façon. Il s'appelait Loulou. Son corps était vert. Le bout de ses ailes roses, son front bleu, sa gorge dorée. Mais il avait la fatigante manie de mordre son bâton, s'arrachait les plumes, éparpillait ses ordures, répandait l'eau de sa baignoire. Madame Aubin, qui l'ennuyait, le donna pour toujours à Félicité. Elle entreprit de l'instruire. Bientôt, il répéta « Charmant garçon, serviteur, monsieur, je vous salue, Marie. » Il était toujours auprès de la porte, dans l'angle du perron. Plusieurs s'étonnaient qu'il ne répondît pas au nom de Jaco, puisque tous les perroquets s'appellent Jaco. On le comparait à une dinde, à une bûche, autant de coups de poignard pour Félicité. Étrange obstination que Loulou, ne parlant plus du moment qu'on le regardait. Néanmoins, il recherchait la compagnie, car le dimanche, pendant que ces demoiselles Rochefeuille, monsieur de Houpeville, de nouveaux habitués, Onfroy, l'apothicaire, monsieur Varin, le capitaine Mathieu, faisaient leur partie de cartes, ils cognaient les vitres avec les ailes, se démenaient si furieusement qu'il était impossible de s'entendre. La figure de Bourret, sans doute, lui paraissait très drôle. Dès qu'il l'apercevait, il commençait à rire, à rire, à rire de toutes ses forces. Les éclats de sa voix bondissaient dans la cour, l'écho les répétait. Les voisins se mettaient à leurs fenêtres, riaient aussi, et pour n'être pas vu du perroquet, M. Bourret se coulait le long du mur en dissimulant son profil avec son chapeau. Atteignait la rivière, puis entrait par la porte du jardin. Et les regards qu'il envoyait à l'oiseau manquaient de tendresse. Loulou avait reçu du garçon boucher une chiquenaude, s'étant permis d'enfoncer la tête dans sa corbeille, et depuis lors, il tâchait toujours de le pincer à travers sa chemise. Fabu menaçait de lui tordre le col, bien qu'il ne fût pas cruel, malgré le tatouage de ses bras et ses gros favoris. Au contraire, il avait plutôt du penchant pour le perroquet, jusqu'à vouloir, par humeur joviale, lui apprendre des jurons. Félicité, que ses manières effrayaient, le plaça dans la cuisine, sa chaînette fut retirée, et il circulait dans la maison. Quand il descendait l'escalier, il appuyait sur les marches la courbe de son bec, levait la patte droite, puis la gauche. Elle avait peur, Félicité, qu'une telle gymnastique ne lui causât des étourdissements. Il devint malade, ne pouvant plus parler ni manger. C'était sous sa langue une épaisseur, comme en ont les poules quelquefois. Elle le guérit en arrachant cette pellicule avec ses ongles. Monsieur Paul, un jour, eut l'imprudence de lui souffler aux narines la fumée d'un cigare. Une autre fois, que Madame Lormeau l'agaçait, au bout de son ombrelle, il n'en a pas la virole. Enfin, il se perdit. Elle l'avait posé sur l'herbe pour le rafraîchir, s'absenta une minute. Et quand elle revint, plus de perroquet. D'abord, elle le chercha dans les buissons, au bord de l'eau et sur les toits, sans écouter sa maîtresse qui lui criait « Prenez donc garde, mais enfin, vous êtes folle !» Ensuite, elle inspecta tous les jardins de Pont-l'Évêque. Elle arrêtait même les passants. « Vous n'auriez pas vu quelquefois par hasard mon perroquet ?» À ceux qui ne connaissaient pas le perroquet, elle en faisait la description. Tout à coup, elle crut distinguer derrière les moulins, au bas de la côte, une chose verte qui voltigeait, mais au haut de la côte, rien. Un porte-balle lui affirma qu'il l'avait rencontré tout à l'heure, à Saint-Melaine, dans la boutique de la mère Simon. Elle y courut. On ne savait pas ce qu'elle voulait dire. Enfin, elle rentra épuisée, les savates en lambeaux, la mort dans l'âme. Assise au milieu du banc, près de madame, elle racontait toutes ses démarches quand un poids léger lui tomba sur l'épaule. Loulou. Mais que diable avait-il fait? Peut-être qu'il s'était promené aux environs. Elle eut du mal à s'en remettre, ou plutôt ne s'en remit jamais. Par suite d'un refroidissement, il lui vint une angine, peu de temps après un mal d'oreille, 3 ans plus tard elle était sourde. Et elle parlait très haut, même à l'église, bien que ses péchés auraient pu sans déshonneur pour elle, ni inconvénient pour le monde, se répandre à tous les coins du diocèse, monsieur le curé jugea convenable de ne plus recevoir sa confession que dans la sacristie. Des bourdonnements illusoires achevaient de la troubler. Souvent, sa maîtresse lui disait « Mon Dieu, mais comme vous êtes bête !» Elle répliquait « Oui, madame », en cherchant quelque chose autour d'elle. Le petit cercle de ses idées se rétrécit encore, et le carillon des cloches, le mugissement des bœufs n'existait plus. Tous les êtres fonctionnaient avec le silence des fantômes. Un seul bruit arrivait maintenant à ses oreilles, la voix du perroquet. Comme pour la distraire, il reproduisait le tic-tac du tourne-broche, l'appel aigu d'un vendeur de poissons, l'assis du menuisier qui logeait en face, et au coup de la sonnette, imitait Madame Aubin. « Félicité, la porte, la porte !» Ils avaient des dialogues. Lui débitant à satiété les 3 phrases de son répertoire. Elle y répondait par des mots sans plus de suite. Mais où son cœur s'épanchait. Loulou, dans son isolement, était presque un fils, un amoureux. Il escaladait ses doigts, mordillait ses lèvres, se cramponnait à son fichu, et comme elle penchait son front en branlant la tête à la manière des nourrices, les grandes ailes du bonnet et les ailes de l'oiseau frémissaient ensemble. Quand des nuages s'amoncelaient et que le tonnerre grondait, il poussait des cris, se rappelant peut-être les ondées de ses forêts natales. Le ruissellement de l'eau que crachaient les gouttières excitait son délire. Il voltait éperdu, montait au plafond, renversait tout, et par la fenêtre allait barboter dans le jardin, mais revenait vite sur un des chenets, sautillant pour sécher ses plumes, montrait tantôt sa queue, tantôt son bec. Un matin du terrible hiver de 1837, qu'elle l'avait mis devant la cheminée à cause du froid, elle le trouva mort au milieu de sa cage, la tête en bas, les ongles dans les fils de fer. Une congestion cérébrale l'avait tué, sans doute. Elle crut à un empoisonnement par le persil. Malgré l'absence de toute preuve, ses soupçons portèrent sur Fabu. Elle pleura tellement que sa maîtresse lui dit « Eh bien, écoutez, faites-le empailler. » Alors elle demanda conseil au pharmacien qui avait toujours été bon pour le perroquet. il écrivit au Havre. Un certain Felacher se chargea de cette besogne, mais comme la diligence égarait parfois les colis, elle résolut de le porter elle-même jusqu'à Honfleur. Les pommiers sans feuilles se succédaient au bord de la route, de la glace couvrait les fossés, des chiens aboyaient autour des fermes, et les mains sous son mantelet, avec ses petits sabots noirs et son cabas, elle marchait prestement sur le milieu du pavé. Elle traversa la forêt, dépassa le haut chêne, atteignit Saint-Gatien. Derrière elle, dans un nuage de poussière, emporté par la descente, une malle-poste au grand galop se précipitait comme une trombe. En voyant cette femme qui ne se dérangeait pas, le conducteur se dressa par-dessus la capote. Le postillon criait aussi pendant que ses quatre chevaux, qu'il ne pouvait retenir, accéléraient leur train. Les deux premiers la frôlaient. D'une secousse de ses guides, il les jeta dans les deux bords. Furieux, releva le bras, à pleine volée, avec son grand fouet, lui cingla du ventre au chignon un tel coup qu'elle tomba sur le dos. Son premier geste, quand elle reprit connaissance, fut d'ouvrir son panier. Loulou n'avait rien. Heureusement, elle sentit une brûlure à la joue, droite. Ses mains qu'elle y porta étaient rouges. Le sang coulait. Elle s'assit sur un mètre de cailloux, se tamponna le visage avec son mouchoir, puis elle mangea une croûte de pain, mise dans son panier par précaution, se consolait de sa blessure en regardant l'oiseau. Arrivée au sommet d'Ecmoville, elle aperçut les lumières de Honfleur qui scintillaient dans la nuit comme une quantité d'étoiles. La mer plus loin s'étalait confusément. Alors, une faiblesse l'arrêta. La misère de son enfance, la déception du premier amour, le départ de son neveu, la mort de Virginie, comme les flots d'une marée revinrent à la fois et lui montant à la gorge l'étouffaient. Puis, elle voulut parler au capitaine du bateau et sans dire ce qu'elle envoyait, lui fit des recommandations. Felacher garda longtemps le perroquet. Il le promettait toujours pour la semaine prochaine. Au bout de 6 mois, il annonça le départ d'une caisse et il n'en fut plus question. C'était à croire que jamais Loulou ne reviendrait. Ils me l'auront volé, pensait-elle. Enfin, il arriva. Splendide. Droit sur une branche d'arbre qui se vissait dans un socle d'acajou, une patte en l'air, la tête oblique, mordant une noix, que l'empailleur, par amour du grandiose, avait doré. Elle l'enferma dans sa chambre. Cet endroit où elle admettait peu de monde avait l'air tout à la fois d'une chapelle et puis d'un bazar, tant il contenait d'objets religieux et puis des choses hétéroclites. Une grande armoire gênait pour ouvrir la porte. En face de la fenêtre surplombant le jardin, un œil de bœuf regardait la cour. Une table près du lit de sangle supportait un pot à eau, 2 peignes, 1 cube de savon bleu dans une assiette ébréchée. On voyait contre les murs des chapelets, des médailles, plusieurs bonnes vierges, un bénitier en noix de coco sur la commode couverte d'un drap comme un autel, la boîte en coquillage que lui avait donné Victor, puis un arrosoir et un ballon, des cahiers d'écriture, la géographie en estampe, une paire de bottines et au clou du miroir accroché par ses rubans, le petit chapeau de peluche. Félicité poussait même ce genre de respect si loin qu'elle conservait une des redingotes de monsieur. Toutes les vieilleries dont ne voulait plus Madame Aubin, elle les prenait pour sa chambre. C'est ainsi qu'il y avait des fleurs artificielles au bord de la commode et le visage du comte d'Artois dans l'enfoncement de la lucarne. Au moyen d'une planchette, Loulou fut établi sur un corps de cheminée qui avançait dans l'appartement. Chaque matin, en s'éveillant, elle l'apercevait à la clarté de l'aube, se rappelait alors les jours disparus et d'insignifiantes actions jusqu'en leurs moindres détails, sans douleur, pleine de tranquillité. Ne communiquant avec personne, elle vivait dans une torpeur de somnambule. Les processions de la fête Dieu la ranimaient. Elle allait quêter chez les voisines des flambeaux et des paillassons afin d'embellir le reposoir que l'on dressait dans la rue. À l'église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit. Observa qu'il avait quelque chose du perroquet. Sa ressemblance lui parut encore plus manifeste sur une image d'Épinal représentant le baptême de notre Seigneur. Avec ses ailes de pourpre puis son corps d'émeraude, c'était vraiment le portrait de Loulou. L'ayant acheté, elle le suspendit à la place du comte d'Artois, de sorte que du même coup d'œil, elle les voyait ensemble. Ils s'associèrent dans sa pensée. Le perroquet se trouvant sanctifié par ce rapport avec le Saint-Esprit qui devenait plus vivant à ses yeux, intelligible. Le père, pour s'énoncer, n'avait pu choisir une colombe, puisque ces bêtes-là n'ont pas de voix, mais plutôt un ancêtre de Loulou. Félicité priait en regardant l'image, mais de temps à autre se tournait un peu vers l'oiseau. Elle eut envie de se mettre dans les demoiselles de la Vierge. Madame Aubin l'en dissuada. Un événement considérable surgit. Le mariage de Paul. Après avoir été d'abord clerc de notaire, puis dans le commerce, dans la douane, dans les contributions, et même avoir commencé des démarches pour les eaux et forêts, à 36 ans, tout à coup, par une inspiration du ciel, il avait découvert sa voix, l'enregistrement. Il y montrait de si hautes facultés qu'un vérificateur lui avait offert sa fille en lui promettant sa protection. Paul, devenu sérieux, l'amena chez sa mère. Elle dénigra les usages de Pont-l'Évêque, fit la princesse, blessa Félicité. Madame Aubin, à son départ, sentit un allègement. La semaine suivante, on apprit la mort de M. Bourret en Basse-Bretagne, dans une auberge. La rumeur d'un suicide se confirma. Des doutes s'élevèrent sur sa probité. Madame Aubin étudia ses comptes, ne tarda pas à connaître ses noirceurs, détournement d'arrérage, vente de bois dissimulé, fausse quittance, etc. De plus, il avait un enfant naturel et des relations avec une personne de Dezulé. Ses turpitudes l'affligèrent beaucoup. Au mois de mars 1853, elle fut prise d'une douleur dans la poitrine. Sa langue paraissait couverte de fumée. Les sangsues ne calmèrent pas l'oppression. Le 9e soir, elle expira, ayant juste 72 ans. On la croyait plus jeune à cause de ses cheveux bruns, dont les bandeaux entouraient sa figure blême, marquée de petites véroles. Peu d'amis la regrettèrent, ses façons étaient d'une hauteur qui éloignait. Félicité la pleura comme on ne pleure pas les maîtres. Que madame mourût avant elle, cela troublait ses idées. Lui semblait contraire à l'ordre des choses, inadmissible, monstrueux. 10 jours après, le temps d'accourir de Besançon, les héritiers survinrent. La bru fouilla les tiroirs, choisit des meubles, vendit les autres, puis ils regagnèrent l'enregistrement. Le fauteuil de madame, son guéridon, sa chaufferette, les 8 chaises étaient parties. La place des gravures se dessinait en carré jaune au milieu des cloisons. Ils avaient emporté les 2 couchettes avec leur matelas et dans le placard, on ne voyait plus rien de toutes les affaires de Virginie. Félicité remonta les étages, ivre de tristesse. Le lendemain, il y avait sur la porte une affiche. L'apothicaire lui cria dans l'oreille que la maison était à vendre. Elle chancela, fut obligée de s'asseoir. Ce qui la désolait principalement, c'était d'abandonner sa chambre, si commode pour le pauvre Loulou. En l'enveloppant d'un regard d'angoisse, elle implorait le Saint-Esprit, contracta l'habitude idolâtre de dire ses oraisons, agenouillée devant le perroquet. Quelquefois, le soleil entrant par la lucarne frappait son œil de verre et en faisait jaillir un grand rayon lumineux qui la mettait en extase. Elle avait une rente de 380 francs léguée par sa maîtresse. Le jardin lui fournissait des légumes. Quant aux habits, elle possédait de quoi se vêtir jusqu'à la fin de ses jours et épargnait l'éclairage en se couchant dès le crépuscule. Elle ne sortait guère afin d'éviter la boutique du brocanteur où s'étalaient quelques-uns des anciens meubles. Depuis son étourdissement, elle traînait une jambe. Ses forces diminuant, la mère Simon, ruinée dans l'épicerie, venait tous les matins fendre son bois et pomper de l'eau. Ses yeux s'affaiblirent. les persiennes n'ouvraient plus. Bien des années passèrent, et la maison ne se louait pas, ne se vendait pas. Dans la crainte qu'on ne la renvoyât, Félicité ne demandait aucune réparation. Les lattes du toit pourrissaient. Pendant tout un hiver, son traversin fut mouillé. Après Pâques, elle cracha du sang. Alors la mère Simon eut recours à un docteur. Félicité voulut savoir ce qu'elle avait, mais trop sourde pour entendre, un seul mot lui parvint, pneumonie. Il lui était connu et elle répliqua doucement, mais comme madame, trouvant naturel de suivre sa maîtresse. Le moment des reposoirs approchait. Le premier était toujours au bas de la côte, le second devant la poste, le troisième vers le milieu de la rue. Il y eut des rivalités à propos de celui-là et les paroissiennes choisirent finalement la cour de madame Aubin. Les oppressions et la fièvre augmentaient. Félicité se chagrinait de ne rien faire pour le reposoir. Au moins si elle avait pu y mettre quelque chose. Alors elle songea au perroquet. Ce n'était pas convenable, objectèrent les voisines. Mais le curé accorda cette permission. Elle en fut tellement heureuse qu'elle le pria d'accepter, quand elle serait morte, Loulou, sa seule richesse. Du mardi au samedi, veille de la fête Dieu, elle toussa fréquemment. Le soir, son visage était grippé, ses lèvres se collaient à ses gencives, les vomissements parurent. Le lendemain, au petit jour, se sentant très bas, elle fit appeler un prêtre. Trois bonnes femmes l'entouraient pendant l'extrême onction, puis elle déclara qu'elle avait besoin de parler à Fabu. Il arriva en toilette des dimanches, mal à son aise dans cette atmosphère lugubre. « Pardonnez-moi, dit-elle avec un effort pour étendre le bras. Je croyais que c'était vous qui l'aviez tué. Que signifiaient des potins pareils? L'avoir soupçonné d'un meurtre, un homme comme lui, il s'indignait, allait faire du tapage. Elle n'a plus sa tête, vous voyez bien. » Félicité, de temps à autre, parlait à des ombres. Les bonnes femmes s'en allèrent, la Simone déjeuna. Un peu plus tard, elle prit Loulou et, l'approchant de Félicité, « Allez, allez, allez, allez, allons, dites-lui adieu. » Bien qu'il ne fût pas un cadavre, les vers le dévoraient. Une de ses ailes était cassée, les touppes lui sortaient du ventre, mais aveugle à présent, elle le baisa au front, le gardait contre sa joue. La Simone le reprit pour le mettre sur le reposoir. Les herbages envoyaient l'odeur de l'été. Des mouches bourdonnaient. Le soleil faisait luire la rivière, chauffait les ardoises. La mère Simon, revenue dans la chambre, s'endormait doucement. Des coups de cloche la réveillèrent. On sortait des vêpres. Le délire de Félicité tomba. En songeant à la procession, elle la voyait comme si elle l'eût suivie. Tous les enfants des écoles, les chantres, les pompiers marchaient sur les trottoirs, tandis qu'au milieu de la rue s'avançait premièrement le Suisse armé de sa hallebarde, le bedeau avec une grande croix, l'instituteur surveillant les gamins, la religieuse inquiète de ses petites filles. Trois des plus mignonnes, frisées comme des anges, jetaient dans l'air des pétales de rose. Le diacre, les bras écartés, modérait la musique et deux encenseurs se retournaient à chaque pas vers le Saint-Sacrement que portait sous un dais de velours ponceau Monsieur le curé dans sa belle chasuble. Un flot de monde se poussait derrière, entre les nappes blanches couvrant le mur des maisons, et l'on arriva au bas de la côte. Une sueur froide mouillait les tempes de Félicité. La Simone l'épongeait avec un linge en se disant qu'un jour il lui faudrait passer par là. Le murmure de la foule grossit, fut un moment très fort.

Voilà. Bon, alors, je vous demande un peu pardon, parce que j'ai fait ce qui est inacceptable pour un comédien, enfin, si tant est qu'on peut être un comédien face à ça, c'est que j'ai été pris par l'émotion, et puis ça, c'est pas bien du tout, parce que l'émotion, c'est pas tellement à moi de l'avoir. Le problème, c'est que c'est pour moi le plus grand livre, je croyais qu'il y en avait un, mais il y en a un plus grand, et je pense que ce que je vous ai lu est pour moi le plus grand témoignage, la plus grande œuvre sur l'être humain. On se demande pourquoi les gens... je sais pas, c'est difficile la lecture. J'en ferai un jour ou l'autre un spectacle, donc je vais m'y mettre. Vous voyez la difficulté. Je vais faire un jour un spectacle sur ça, parce que j'étais désorienté. C'est une salle qui... Une fois, j'ai été convoqué pour faire rien à cirer. Après, je me retrouve dans la même salle, je me dis donc là, attention, je vais un cœur simple, la guerre dehors, les grèves, et j'arrive là. Et ce qu'il y a de génial et d'épouvantable dans ce roman, c'est qu'il y a 20 pages où il n'y a rien. C'est-à-dire que même là, je ne l'ai pas négocié, j'ai trahi, j'ai fait, comme dit Thomas Bernhardt, un pacte. J'ai fait un pacte parce que j'ai essayé quand même de vous rendre intéressant le début. Alors que le début, c'est rien. Le début, ça doit être fait comme... un vestibule étroit séparait la cuisine de la salle. Où Madame Aubin se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée dans un fauteuil de paille. Et... Flaubert illustre là ce qu'il avait envie de faire. Le degré zéro, absolu. C'est-à-dire, la phrase, elle n'a plus aucune pause. Il foudroie tous les écrivains modernes après lui. Il les foudroie parce que les autres font des pauses. On pourrait même s'amuser à faire des caricatures sur les écrivains femmes des dernières années. On peut vous dire, sans aucune méchanceté, mais je sais pas, elle les connaissait, les Coréens, derrière l'étang V. Les femmes jettent très peu, je jette beaucoup, M. Alors, le problème, pourquoi c'est pour moi le plus grand roman qui a été écrit, c'est la plus grande rencontre de ma vie, c'est qu'il n'y a pas plus poignant. Là, il y a l'histoire de l'humanité. Et puis, il y a l'illustration de son obsession sur l'objectivité. Aucunement... Félicité doit être ridicule. C'est un cœur. C'est l'amour à l'état absolu. C'est l'amour, c'est un cœur infini. Et vous avez remarqué qu'on aurait envie de se foutre de... Et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que c'est tout d'un coup tout Flaubert, quoi. Elle transforme dans la croyance, le perroquet. Mais évidemment, il y a les autres, les hommes, ceux qui sont dépositaires du savoir, le bonhomme qui lui indique sur la carte, elle qui dit, est-ce que c'est loin de Pont-l'Évêque ? Est-ce qu'on peut y aller ? Il sacrifie au comique quand il dit, dans l'esprit de félicité, la Havane était remplie de fumée avec des hommes qui fumaient tous des cigares, comme ça. On voit des hommes, comme dans les images de Tintin. Alors voilà, j'ai essayé de faire ce truc-là. Je ne pensais pas que ça serait aussi dur que ça. Ben voilà, à bientôt et merci beaucoup. Parole donnée. Un cœur simple de Gustave Flaubert, lu par Fabrice Lucchini. Enregistré en public au studio 105 le 14 décembre 1995. Équipe de réalisation, Monique Burguière, Françoise Cordet, Philippe Palares, Jean-Michel Breton, Olivier Lepontois, Isabelle Mézil, Georges Perroux.